Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Depuis 25 ans, la Grande Guerre ne cesse d'être fouillée par les archéologues contemporanéistes œuvrant à une archéologie de la violence, du traumatisme, au travers de la matérialité des armes, des objets, des sépultures. Dans ce paysage cru et brutal, le film de Christian Carion, Joyeux Noël, sorti en novembre 2005, fit grand bruit dans le monde des historiens. Ces brefs instants de fraternisation avec l'ennemi, non autorisés par la loi de la guerre, ne seraient-ils pas de simples anecdotes de l'histoire? Quoi qu'il en soit, au sommet de la côte 130 dominant Arras, une trêve spontanée s'opéra entre troupes françaises et allemandes aux abords du Moulin Rouge de Tellus. Une trêve qui vient d'être fouillée par les archéologues. Dans la pluie, le vent, j'ai donné rendez-vous au Moulin Rouge à Alain Jacques, archéologue d'Arras, et Christian Carion, réalisateur de Joyeux Noël. Alain Jacques, le Moulin Rouge, comment l'avez-vous retrouvé? Alors le Moulin Rouge, c'est une longue histoire de recherche de documents dans les archives, dans la cartographie, et l'opportunité qui nous a été donnée par la communauté urbaine d'Arras d'effectuer donc des sondages dans un premier temps et une fouille programmée dans un second temps dans une zone industrielle située entre deux villages, Neuville et Tellu. Et les archives nous ont montré que ce lieu n'était pas inconnu de la littérature combattante et que Louis Bartas en faisait mention. Nous sommes donc sur la commune de Tellu, mais nous sommes tout près de Vimy. Oui, parce que après le passage de Bartas en octobre-décembre 1915, ce même secteur sera pris par les soldats britanniques qui vont occuper les lieux. D'ailleurs, on a retrouvé le corps d'un soldat canadien. Et c'est eux qui vont être chargés de prendre la colline de Vimy lors de la bataille d'Arras en avril 1917. Donc nous sommes de visu à moins de 2 km de la colline de Vimy. Alors nous sommes bien sûr en plein vent, à faible distance d'Arras, sur une sorte de crête par force, puisqu'il fallait du vent pour un moulin. Oui, tout à fait, c'est un des secteurs hauts. On est à la côte 130 et ça nous permet en fait de maîtriser Arras, dont on voit le beffroi là derrière, mais également les tours du Mont-Saint-Éloi, et surtout ça couvre visuellement une vaste zone qui va être en fait le lieu de bataille de la deuxième et troisième bataille d'Artois, où les Français vont perdre à peu près 300 000 hommes. Il faut s'imaginer en décembre 1915 un paysage de tranchées tout autour. Oui, alors c'est un secteur qu'on appelle le labyrinthe, le bien nommé, qui a posé donc de gros problèmes pour la prise de ces tranchées. Les Allemands, c'était comme d'habitude fortifié de façon correcte avec des blocos qui sont les premiers, les plus anciens de la fin 14 début 15 au maximum, ce qui n'était pas vraiment connu. Donc c'est un des apports de la fouille, et surtout la cartographie. On a même actuellement sur le terrain un mal fou à pouvoir situer telle ou telle tranchée parce qu'elles sont régulièrement ce qu'on appelle retournées. Elles servent tantôt pour les Allemands, tantôt pour les Français, et parfois quand le secteur est repris, de nouveau, ça change de maille d'appellation. Ici, on restera longtemps en terrain allemand. Oui, jusqu'au 25 septembre 1915, c'est un secteur allemand. Les Français donc ont commencé à attaquer en mai 1915, enlèvent le village de Neuville en juin 15, et c'est de partir de ce village que sera lancée l'offensive du 25 septembre, dont on a quelques clichés, et qui avait comme intention de prendre le village de Tellu. Et ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur intention, ils se sont arrêtés ici, au Moulin. Donc Neuville est à ma gauche, oui. Tellu devrait être à ma droite, et au milieu le Moulin. Et au milieu le Moulin. Alors quand on lançait, et là on a travaillé sur les journaux de marche, les secteurs qui étaient attribués aux différents régiments sont localisés par rapport à la voirie, ce qui est le plus facile à suivre, mais également au point dit remarquable. Le Moulin était un point remarquable, donc c'était l'objectif du 50e régiment d'infanterie, dont on a retrouvé de très nombreux corps de soldats. Ils étaient originaires de Périgueux. Et l'objectif donc de ce régiment était la prise de la colline du Moulin Rouge. En 1915, quand les Français donc prennent le moulin, s'y installent, dans quelles conditions est-il ? Il est déjà totalement ruiné ou est-il encore debout ? Il est malheureusement totalement ruiné. C'est une mention de Bartas qui est là depuis 3 jours, nous dit-il. Et il est en train donc de creuser une tranchée, le tonneau des Danaïdes, tellement l'eau coule dans la tranchée dite du moulin. Et au bout de 3 jours de présence, il nous dit: je comprends pourquoi on l'appelle la tranchée du moulin. Je viens d'apercevoir un amas de briques rouges et le meunier fera une drôle de tête quand il va rentrer. Ça, c'est dixit Louis Bartas. Donc ça veut dire que dès la fin de l'année 15, le moulin est totalement ruiné. Ah, nous sommes bien sûr juste devant. Moi, ce que je vois, c'est en effet quelques briques rouges, quelques calcaires blancs et puis une sorte de masse en béton. Oui, au cœur en fait de ce moulin rouge, il y avait donc une cave qui servait de réserve au moulin. Et cette cave a été transformée en bunker. Elle a été bétonnée, agrandie par des murs relativement épais. Et dans l'angle de ces murs, on a un abri blindé qui pouvait accueillir une seule personne. Et qui devait protéger donc cet observateur, qui devait être doté de jumelles ou de télescopes pour regarder les lignes adverses. Et ce lieu a fait l'objet d'une protection jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand les Français sont rentrés dans le village de Neuville, l'accès au bunker était directement en face des Français, donc très dangereux. Donc on a comblé cet accès et on en a recréé un second diamétralement opposé en direction du village de Télu, parce que ce point haut était primordial pour l'armée allemande. Donc on l'a réactivé au moins jusqu'en septembre 1915. Quand les Français ont pris le village de Neuville, on a inversé, parce que la tranchée qui était face à l'adversaire était très dangereuse. Elle pouvait donc recevoir un obus. Donc les Allemands ont comblé cette tranchée primaire et en ont conçu une seconde diamétralement opposée dans la partie qui leur appartenait, donc dans la partie du village de Télu. Et on voit que cette tranchée va directement sur l'abri blindé. Donc jusqu'au bout, ce lieu restait un point d'observation important pour l'armée allemande. Quand les Français arrivent, bien sûr, ils occupent les tranchées. Il pleut et ils sont quasi ennoyés. Oui, c'est à la fois le journal de marche du régiment de Bartas ou Bartas lui-même qui indique que la tranchée qu'on lui a demandé de creuser ou de remettre en état, la tranchée dite du moulin, au plus il enlève de l'eau, en plus là on est sur une pente, donc l'eau coule constamment dans la tranchée et il passe un temps fou en fait avec son équipe à restaurer, rénover, réactiver cet ancien réseau allemand. Et c'est en partie, quand on voit les conditions et que lui décrit, qu'on peut concevoir cette fameuse trêve de la boue qui a lieu donc en octobre 1915, où Français et Allemands sortent des tranchées complètement ennoyés. Donc on a une série de clichés qui montrent cette trêve, où on les voit simplement armés de pelles et de pioches et converser pendant quelques temps avant de nouveau retourner dans les tranchées pour continuer le combat. Cette trêve, c'est une sorte de fraternisation ? C'est une fraternisation. On s'aperçoit que les conditions de vie chez les Français comme chez les Allemands sont les mêmes, que les combattants sont les mêmes, ont avec les mêmes soucis. Donc c'est une prise de conscience, je pense, des conditions totalement inhumaines que ces gens-là sont obligés de subir et ils prennent l'initiative, ce qui est absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est le premier qui a le courage de se lever de sa tranchée en sachant que les risques sont énormes, qu'il y a des snipers, qu'il y a des réactions à attendre de l'adversaire. Et c'est le premier qui doit faire le signe à l'adversaire. L'adversaire doit répondre positivement à ce signe et se lever de la tranchée pour aller l'un vers l'autre après 2 années de combat. Et quand on fouille ce terrain comme nous on a pu le faire et qu'on voit encore les corps, les centaines de corps qui gisent sur le terrain, là aussi c'est à cause ou pour cette raison que les hommes ont décidé cette trêve. Ce n'est pas la première trêve, on a d'un côté les trêves de Noël 1914 et puis cette trêve d'octobre 1915. Oui, il y a les premières connues, c'est l'arrêt des combats notamment chez les Britanniques où on tente pendant ce Noël 14 d'arrêter quelque peu les combats. On ne se doute pas encore que ça va durer des années. Donc c'est très sport, c'est très britannique, hein, que de dire que pour le 24 et le 25, on arrête et on recommencera quelques jours après. Les nombreuses trêves de 15 ont peut-être un accent un peu différent, parce que là, rien que chez les Français, c'est 300 000 disparus, donc les conditions de combat et de vie là sont totalement différentes. Hein, et là, c'est vraiment, comme le dit Bartas, un geste d'humanité, hein, ou une envie d'arrêter et de comprendre en fait ce qui se passe. Peut-être ça, envie de comprendre pourquoi ces gens-là sont là, hein, et pourquoi ils continuent à se battre dans les conditions telles que cela. Vous avez fouillé, Alain Jacques, donc ce bloco, ce moulin, pourrait-on dire. Qu'est-ce que vous avez retrouvé de cette guerre? Quelques objets du quotidien, notamment des pelles et des pioches, hein, qui nous rappellent donc le travail de Bartas en ces lieux. Des baïonnettes. On a retrouvé également, pour la partie allemande, une fusée éclairante, parce que pour communiquer avec l'artillerie ou avec leur infanterie, les Allemands qui étaient stationnés ici pouvaient communiquer avec des fusées éclairantes, hein, et la demande était différente en fonction de la couleur de cette fusée. Rouge pouvait par exemple demander l'appui de l'artillerie, fusée blanche pouvait demander un renfort d'artillerie, et on a retrouvé donc ces fusées encore avec leurs parachutes en tissu, en soie. Vous avez aussi exhumé des sépultures. Peut-on dire qu'il s'agisse de sépultures? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs cas de figure. On a ce qu'on appelle chez nous la sépulture de type Pompéi, c'est-à-dire que le soldat meurt et est directement enfoui avec l'ensemble de son paquetage et de son armement. Là, il y a eu quelques exemples de ce type. Il y a les exemples également où les soldats français ont récupéré et pillé le corps de soldats allemands pour récupérer tout ce qui pouvait être revendu sur l'arrière-front, ou obtenir quelques renseignements sur l'unité qui était sur place. Hein. On a affaire à une mort de masse. Il faut réagir très vite pour éviter les maladies. Donc on a affaire là à de nouvelles pratiques qu'on peut observer depuis quelques années, et un nouveau rituel qui est réalisé sur le terrain. Alors j'ai souvenir de cet émouvant cliché d'une tombe d'un soldat français inhumé, semble-t-il, par des Allemands, avec cette dédicace « Ennemi dans la vie, ami dans la mort ». Oui, et on a un exemple tout à fait similaire ici, dans ce secteur, à Saint-Laurent-Blangy, où on a des mineurs néo-zélandais qui étaient chargés en fait de repérer les entrées de galeries de mines, et qui ont été tués par une explosion d'obus. Et les Allemands les ont enterrés à l'intérieur des lignes allemandes, avec la mention « Ici J, un brave soldat néo-zélandais ». Et cette sépulture soignée a été retrouvée donc le 9 avril 1917 par les soldats britanniques lors de la bataille d'Arras. Et ce soldat, ce tunnelier néo-zélandais, est enterré maintenant au cimetière du Point du Jour, là où on a enterré les Grisby Chums, qu'on avait retrouvé, les soldats qu'on avait retrouvés il y a quelques années maintenant. Alors justement, au Point du Jour, il est enterré une série de soldats anglais dans des positions tout à fait invraisemblables. Est-ce que l'on n'est pas là aussi sur une forme de fraternisation? Là, pour les Grisby Chums qui étaient enterrés coude à coude, hein, c'est un peu différent dans la mesure où ce sont les hommes de leur propre unité qui les ont enterrés comme ça. C'est un type de fraternisation, mais ce n'est pas l'adversaire qui a enterré de façon particulière le soldat ennemi. On peut constater au fil du temps, au fil des années, plutôt dans certains cas, la volonté de tuer deux fois l'adversaire, notamment dans les lignes britanniques, dans le secteur de Montchilpreux, devant Arras, encore une fois, où là, les corps de soldats allemands sont pillés et rejetés avec beaucoup de négligence dans des dépotoirs, et surtout on leur a enlevé leur disque d'identification. En fait, on les tue par cette manœuvre, on les tue deux fois, hein, une fois physiquement, hein, et en leur enlevant tout signe d'identification postérieure, on les tue pour l'éternité, et ça veut dire que ces gens-là n'auront jamais de sépulture connue. Hein. Donc on constate plutôt une dégradation dans les façons d'enterrer et de traiter le corps de l'adversaire au fur et à mesure des années. En 1914, il y a une sorte de forme de chevalerie quelque part. Oui, oui, on fait des trêves pour aussi enterrer les corps des combattants. On va dans le No Man's Land, on ne se tire pas dessus et on va enterrer les corps des uns et des autres. C'est plutôt un geste chevaleresque. Mais au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que cela change et qu'on est plus dans le « je hais le corps de mon ennemi ». J'ai souvenir de cette photo allemande, d'un Allemand qui se fait photographier en pied face visiblement à un Écossais, mort bien sûr, et sans chaussures. Oui, alors là il y a deux temps, je pense que de se faire photographier devant l'adversaire mort, c'est le chasseur qui a tué sa proie et qui le montre et qui veut le faire savoir. Mais dans un deuxième temps, l'absence de chaussures montre que les Allemands avaient besoin de matériel avec le blocus qui est réalisé à partir des années 15 pour alimenter, ravitailler l'Allemagne. On a besoin de matériel et en particulier de cuir. Donc là, les chaussures sont pratiquement systématiquement enlevées des soldats français ou britanniques. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est ces clichés, et ces clichés qui ne sont jamais français, mais toujours allemands. Oui, on a en fait très très peu, et on peut le regretter, de clichés français. Il faut savoir que pour les Français, il était interdit de photographier, même si quelques-uns avaient dans leur poche le petit appareil veste pocket, hein, qui permettait de prendre des photos non officielles, et qui d'ailleurs pouvaient être primées par certains journaux, qui demandaient aux soldats d'envoyer des photos. On pouvait avoir une prime, on pouvait avoir une récompense pour un cliché intéressant. Chez les Allemands, on a la presse de l'époque qui montre et qui dit si vous voulez avoir des nouvelles de votre mari ou de votre frère au combat, envoyez-lui ce petit appareil photo, il pourra vous envoyer donc des clichés. Donc c'est plus facile de photographier chez les Allemands et la qualité des photos est quand même nettement supérieure. Alors un rayon de soleil vient d'éclairer le Moulin Rouge dans un vent absolument à décorner les bœufs, Alain Jacques. Il fait un froid bien sûr de canard. Les trois batailles d'Artois sont globalement des échecs. Oui, en fait on progresse très très peu. Le seul point positif c'est la prise de la colline de Lorette qui permet en fait de mieux maîtriser toute la plaine de Goël, la plaine des mines de Lens. Mais pour que cela soit positif, il aurait fallu prendre également la colline de Vimy. Les Français n'ont pas pu le faire. Il faudra attendre encore 3 ans, 1917, pour s'emparer de cette crête et de pouvoir progresser en direction de Douai, Lille et la frontière belge. Donc là, c'est la perte de centaines de milliers d'hommes, en fait, pour gagner à peine 10 kilomètres. Combien de morts français, anglais, allemands sont encore sous ces champs? C'est par dizaines de milliers. Hein. On est dans un secteur où pratiquement les combats n'ont pas cessé depuis septembre 1914 jusqu'au grand combat d'août 1918. Hein. Il y a eu la guerre des mines en plus, donc on a encore des soldats qui sont enterrés avec ces mines, notamment ici à Zivy-Crater ou Lichfield-Crater. Donc il y a encore des dizaines de milliers de soldats de toutes nationalités qui sont ici dans les plaines d'Artois. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Christian Carion, le 9 novembre 2005, votre film Joyeux Noël paraît, ce sera bien sûr un grand succès, cela fera aussi beaucoup de bruit dans le monde des historiens. C'est vrai, mais à l'époque ça a été compliqué. On s'est heurté à ce qu'on appelle l'école de Péronne, qui n'a pas du tout la même opinion que nous, pour qui les fraternisations étaient un épiphénomène sans intérêt. Moi, je leur avais répondu à l'époque, d'abord, je ne suis pas historien, mais même il n'y aurait eu que 2 soldats qui auraient fraternisé, j'aurais fait un film sur les 2 soldats. Sauf que là, non, on parle de milliers de soldats qui l'ont fait. Et j'étais, moi, en colère à l'époque, quand je travaillais sur le film, parce que personne ne m'en avait parlé. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert qu'à l'époque, en 1914, ben oui, les autorités françaises ont totalement mis sous le boisseau cette affaire. Et ensuite, oui, ben, je trouve que c'est pas normal que les historiens n'aient pas soulevé le couvercle, n'aient pas fait le boulot de faire connaître les fraternisations. Ces fraternisations, vous les découvrez vers 1993. Pourquoi? Comment? À l'époque, je viens de m'installer à Lyon. Je me retrouve à la Fnac Bellecour, pour ne pas la citer, au rayon histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et puis je tombe sur un livre qui s'appelle « Les combats en Flandre et Artois » de Yves Buffetot. Flandre et Artois, nous sommes aujourd'hui, c'est mon pays d'enfance, je l'achète. Et je lis et je connais tous les villages par cœur. Et je tombe sur une page qui s'intitulait « L'incroyable Noël de 1914 ». Et là, j'ai les larmes aux yeux, je vous assure. Je découvre l'histoire du ténor qui se fait applaudir par les Français et donc qui fait un bis. Je découvre les visites de tranchées mutuelles. Puis des photos de fraternisation, enfin bref. Donc là, j'appelle l'historien et je dis c'est un choc pour moi. Jamais personne n'a parlé de ça. Et j'aimerais que vous me montriez vos sources, quoi. Et à partir de là, donc, il m'emmène au War Museum, il m'emmène aux archives de Vincennes. Et avec lui, j'ai accès aux documents. Je fais toutes les photocopies que je peux. J'entasse tout ça dans une malle en me disant « il y a là un sujet ». Mais moi, à l'époque, en 93, j'ai à peine fait un court-métrage, donc j'en suis pas là, quoi. Donc je mets ça sous mon lit en me disant « un jour, faudra rouvrir cette malle ». Et je l'ai réouverte en 2003 parce que je venais de faire un premier film qui s'appelait « Une hirondelle à la fête de printemps » et que par chance, ce film avait marché. Donc à partir de là, bah, on vous demande un suivant et c'est plus facile. Qu'est-ce qu'une fraternisation ? Pour moi, la fraternisation en temps de guerre, c'est tout simplement le fait que deux soldats ennemis, adversaires, eh bien, se réunissent, s'approchent l'un de l'autre, se serrent la main, entrent dans une proximité limite affective, en fait. On en arrive à se montrer des photos des femmes et des enfants. On échange des adresses pour se voir après la guerre. Et certains se verront après la guerre. Là, on rentre dans un champ d'une humanité très profonde. Fraterniser, c'est reconnaître celui d'en face, c'est le comprendre, c'est l'accepter, c'est se trouver semblable. Alors bien sûr, Joyeux Noël regroupe plusieurs histoires vraies en une seule. Oui, alors, Joyeux Noël ce n'est pas un documentaire. C'est une œuvre de cinéma, et j'ai voulu rassembler en un seul et même endroit pour des histoires de... C'était plus simple pour moi dans la mise en scène, si on commençait à faire tous les lieux concernés, c'était insuivable, entre guillemets, pour le public. C'est la quintessence des fraternisations en un lieu fictif, avec des personnages qui s'appuient sur des personnages réels, mais qui sont quand même des personnages fictifs. Par exemple, où c'est fictif, on n'a jamais eu un endroit avec les trois nationalités rassemblées, c'est vrai. On a eu des fraternisations franco-allemandes, des fraternisations germano-britanniques, mais jamais les trois en même temps. Alors il y a des endroits où les Français ont observé des fraternisations entre Britanniques et Allemands. Et d'ailleurs c'est étonnant, il y a des comptes rendus des rapports de lieutenants de tranchées qui disaient « on aurait bien aimé se joindre à eux, mais on ne l'a pas fait ». Et puis des endroits où les Français sont allés voir les Allemands qui les appelaient. Toutes les fraternisations sont venues du côté allemand. La force du Noël en Allemagne est très forte et très importante. Et donc les Allemands, oui, sortent de tranchées avec les salpins au-dessus de leur tête et ils chantent Stille Nacht. Et nous, bah, on a la même version qui s'appelle Douce Nuit. Donc à partir de là, oui, c'est ça que j'aime aussi. C'est la musique. La musique a rassemblé les gens. Alors cette photo extraordinaire de cet Allemand dressé dans son grand manteau avec ce sapin... C'est absolument unique. Ah bah c'est le symbole même, je dirais c'est l'affiche des fraternisations. C'est une photo qui a été prise par un Britannique, alors on ne sait pas qui c'est. Là, d'un seul coup, il y a tout. C'est un soldat, donc c'est la guerre, et au bout de son bras, il n'a pas un fusil, il a un sapin. C'est magnifique. Alors curieusement, ce sont les Anglais qui ont le plus été au courant de ces fraternisations. La France aurait caché un peu tout ça. Ben, je vous confirme. Par exemple, les photos qui ont été prises, les photos britanniques sont à la une des journaux, des tabloïds. Le Daily Mirror, etc. à l'époque, publie les photos des fraternisations et explique que oui, le soir de Noël, eh bien, il s'est passé ceci, cela. En Allemagne aussi, dans les journaux, eh bien, on ne cache pas les faits. En France, c'est pas du tout l'état d'esprit. Alors c'est terrible parce que la France est une république, les deux autres sont des monarchies. Ben néanmoins, c'est en France où il n'y a pas de liberté de la presse. Vous avez eu accès au dossier du deuxième bureau, donc les services secrets de l'époque. Ils retracent justement ces fraternités. Quand je commence moi mes recherches en 93 à Vincennes, j'ai du mal à voir les archives en fait. On me ment, on me dit. que les documents sont en ce moment consultés par quelqu'un, donc je ne peux pas les avoir. Enfin bref, il a fallu faire preuve de ruse pour obtenir les documents, donc j'en lis beaucoup. Et en fait, je m'aperçois en y revenant après la sortie du film, parce que Canal+ m'avait demandé de faire un documentaire sur la vérité de tout ça, eh bien, j'ai un accueil complètement différent aux archives militaires de Vincennes. Et on me dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir ? Donc je recite les dossiers que j'avais vus à l'époque. Et là, la personne me dit, vous ne voulez pas voir les dossiers du deuxième bureau ? Là, j'ai un flash et je me dis, mais je n'ai pas pensé. Oui, les services secrets ont dû faire un travail là-dessus. Donc, on me montre les documents et ils sont magnifiques parce que c'est une enquête. Il y a délit. Et donc, des gens, des officiers des services secrets sont venus dans les tranchées. Ils ont fait un état des lieux des fraternisations. Ils ont ramené des documents. Et je me souviens d'un document qu'ils avaient récupéré qui venait des tranchées allemandes. C'était un mot vaguement rédigé en français qui expliquait qu'ils allaient avoir une visite d'un colonel à 11h. Donc, ils seraient obligés de tirer. Alors, ils demandaient aux Français de bien se coucher, même si eux, ils chercheraient à tirer très haut. Mais tout cela ne me remettait pas en cause le thé prévu à 17h. Et c'était signé « Vos affectionnés allemands ». Je trouve ça génial. Il y a eu des films militants sur la guerre de 14. Il faut absolument citer « Les Sentiers de la gloire », 1957. Oui. Et un film interdit en France. Un film, Bertrand Tavernier m'a raconté, on allait le voir en Belgique en voiture. C'est quand même une époque. On ne peut pas voir le film en France. Le film ne sortira, je crois, qu'en 75 en France. Non, mais il y a un passif compliqué hein, dans l'histoire de notre pays par rapport à cette guerre. Enfin, moi, ma vision sur la guerre de 14, c'est que c'est un formidable bourrage de crâne. À titre personnel, moi, j'en veux beaucoup à Raymond Poincaré. Il est le président de la République française à l'époque. C'est un Lorrain. Il est né à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, à l'époque, en 14, est encore allemand. Depuis 1870, et lui, il va construire toute sa carrière sur la revanche. Il est, par exemple, en 1894, il est ministre de l'instruction publique. Il fait paraître une circulaire que j'ai vue, qui dit en gros, les enfants mâles, âgés de moins de 8 ans, apprendront à défiler avec des fusils Lebel en bois, mais ceux qui ont plus de 8 ans apprendront à tirer à balles réelles sous les préaux, encadrés par les instituteurs de la République. À l'époque, les instituteurs ont refusé, la plupart. Donc cet homme a dressé le pays, il n'est pas le seul, mais dans un état d'esprit, il s'y est pris longuement, il a travaillé vraiment pour qu'à l'arrivée, quand en 14 la guerre éclate, eh bien ce soit accepté dans les villes, pas dans les campagnes. Le Moulin Rouge, où a eu lieu une très belle fraternisation, a donc été fouillé par la ville d'Arras et l'INRAP. Aujourd'hui, ou demain plutôt, un autre monument ailleurs sera commémoré autour de ces fraternisations. Deux sites complémentaires ? Effectivement, tout porte à croire que c'est autour de cet endroit que la fraternisation dont parle Louis Bartas s'est déroulée. Simplement, nous... on milite, le mot n'est pas faible, pour que ce monument existe depuis, je dirais, 2004. Et à l'époque, nous avions acheté un terrain proposé par la commune de Neuville-Saint-Va, qui n'est pas à l'endroit, parce que nous ne connaissions pas cet endroit. Alors, bon, c'est pas grave, ils sont à vol d'oiseau à 300 mètres, bon, tout va bien, mais c'est vrai que c'est extraordinaire de commencer quelque chose à un endroit, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vous taper sur le coin de l'épaule en disant « mais ça s'est passé à... » Pas exactement là. C'est ça que je trouve fascinant. Gratter, fouiller, on découvre des choses. Ils pensaient que ce serait là. Ils ont cherché, ils ont tout de suite trouvé. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir exhumé cet endroit, de permettre que ce lieu soit reconnu. Lui aussi va s'inscrire dans la mémoire de la terre, des gens, de l'histoire de notre humanité. Et alors, les deux endroits vont se regarder de loin, mais en fait, ils parlent de la même chose. Et puis ces deux monuments, le Moulin Rouge fouillé et le monument donc à la fraternité, saluent peut-être aussi bien sûr la mémoire des soldats, mais d'un soldat particulier, Louis Bartas. Oui, franchement oui, il est singulier cet homme. Il est singulier d'abord, ils ne sont pas nombreux malheureusement à avoir pu sortir vivant de cette guerre. Lui il a tout raconté, après, avec ses fameux carnets, et le témoignage de sa fraternisation. Le témoignage en lui-même, il est conforme à tout ce que j'ai pu lire, j'en ai lu beaucoup. Mais c'est le seul document qui se terminait par cette vision. En gros, en substance, disait peut-être un jour, dressera-t-on un monument à la mémoire de ce qu'on a osé faire aujourd'hui. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Claire Levasseur et avec la collaboration de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver sur le site inra.fr plus de 300 archives de l'émission. La semaine prochaine, Louis XI sera notre objet archéologique.